fit le chien enragé du Proche-Orient. Ainsi le nommait le président américain Reagan. Kadhafi, qui est réellement devenu sa bête noire dès son entrée à la Maison-Blanche en 1981. Et la semaine passée, M. Hick ne s'est pas fait faute de mettre en évidence quelques coïncidences troublantes avec la récente actualité et la politique états-unienne en Irak, celle-ci en particulier. La Libye, comme plus tard l'Irak, va être accusée d'être le principal foyer de diffusion du terrorisme dans le monde entier. Et Washington finira par l'agresser militairement après avoir fabriqué de toutes pièces un dossier accusateur, exactement comme George W. Bush et les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein. Autre comparaison édifiante. Alors qu'il existait des pays autrement plus inquiétants en matière de soutien au terrorisme, la Syrie ou l'Iran par exemple, c'est la petite Libye qui est visée, parce que la cible est facile à atteindre. Il en sera de même avec l'Irak, un État ruiné, incapable d'opposer une réelle résistance militaire, alors même qu'il y a des pays beaucoup plus dangereux pour la sécurité du monde, la Corée du Nord, ou bien encore l'Iran, qui est sans doute à deux doigts de posséder l'arme atomique. Arrêtons la comparaison là, et avouez que c'est troublant, et qu'il existe des guerres dont l'objectif, la lutte contre le terrorisme, est d'abord à usage interne. Autre point notable relevé par M. X, dans le camp occidental, c'est d'abord la France qui a essayé de se débarrasser de Kadhafi. Et au fond, Ronald Reagan n'a fait que prendre la relève de Valéry Giscard d'Estaing. Je reviens sur cette question, car je ne voudrais pas choquer certains de vos auditeurs qui ont peut-être été directement des victimes du terrorisme. Or, je ne prétends pas que Kadhafi est un ange, bien au contraire. Et il s'est accoquiné avec des types comme Carlos ou Abou Nidal. D'autre part, je vous l'ai dit la semaine passée, il a financé de nombreux mouvements terroristes dans le monde entier. Oui, mais vous avez aussi dit qu'il avait le dos large. Certainement. Il a attribué beaucoup plus de méfaits qu'il n'en a commis. Mais nous allons y revenir. Dès que Reagan entre à la Maison-Blanche, il se fixe deux priorités sur le plan extérieur. La lutte contre l'Empire du Mal. L'URSS. Oui, et le combat contre le terrorisme. D'ailleurs, pour lui, c'est à peu près la même chose. Parce qu'il pense que communisme et terrorisme marchent du même pas. C'est certain. Ça participe du même mouvement de subversion. Contre l'URSS, on le sait, la politique réaganienne sera d'une redoutable efficacité. En prenant son fumeux programme de guerre des étoiles, il acculera pratiquement Moscou à la faillite. Oui, la ruineuse course aux armements. Ouais. Et d'autre part, en soutenant les Moudjahidines afghans contre l'armée rouge, il infligera à l'URSS l'une de ses plus grandes défaites. Mais en matière de terrorisme, c'est plus délicat. Il suffit pas de se payer de mots, faut agir. Et très vite, la Libye va apparaître comme la cible idéale. D'abord, parce qu'il est vrai que Kadhafi, grâce à la manne pétrolière, finance un grand nombre de mouvements révolutionnaires. Et ensuite, m'avez-vous dit, la semaine dernière, parce que les stratèges de la Maison-Blanche estiment qu'on peut s'en prendre à la Libye à peu de frais. Oui, mais je vous rappelle rapidement pourquoi. D'abord, la Libye est relativement isolée. Elle est fâchée avec tous ses voisins. Et tous ces pays arabes à qui elle a proposé un mariage et qui l'ont tous refusé. Ensuite, la Libye, sur le plan démographique, est un tout petit pays. 3 millions d'habitants dans les années 80. Enfin, si Kadhafi dispose d'un arsenal considérable, il s'agit en général d'un armement plutôt ancien et nullement sophistiqué. Oui, d'origine soviétique. C'est exact. Alors l'URSS, justement, elle entretient des rapports plutôt compliqués avec le leader libyen. Moscou se méfie de ses foucades. En outre, il ne faut pas l'oublier, Kadhafi n'a aucune sympathie pour le communisme à la Brejnev. Ouais. Donc on ne peut pas le ranger dans le camp de l'Est. Absolument pas. Ça veut donc dire que si Washington tentait quelque chose contre la Libye, l'URSS ferait les gros yeux, mais se garderait bien d'intervenir. Ouais. Alors, pour toutes ces raisons, Reagan a pratiquement les mains libres pour s'attaquer à ce bouc émissaire. Oui, c'est ce que je pense. Mmh. Encore faut-il trouver un prétexte pour châtier ce trublion. Un peu comme les armes de destruction massive dans le cas de Saddam Hussein. Tout à fait. Ouais. Et pour résumer de façon un peu simpliste, il faut noircir un personnage qui est déjà bien gris au naturel. Ouais. Donc, au fond, c'est pas très difficile. C'est juste. Kadhafi suscite l'hostilité d'un grand nombre de dirigeants. Des gens qui ne seraient pas fâchés de le voir renversé ou même pire. C'est-à-dire ? Assassiné. Alors, comment les Américains vont-ils procéder ? Je dois d'abord dire qu'il n'y a pas unanimité à la Maison-Blanche. En gros, il y a deux camps qui ne sont d'accord que sur un point. Il faut faire quelque chose contre Kadhafi. Dans ces deux camps, hein ? D'un côté, on trouve des modérés, et parmi eux, le secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, et cela prône un étranglement économique. Ouais. Un embargo. C'est ça, oui. Et en face, il y a les durs. Le secrétaire d'État, le général Alexander Haig, et son successeur, George Shultz. Et aussi la plupart des membres du Conseil national de sécurité qu'on retrouvera dans le fameux scandale de l'Irangate. Ah oui, le colonel North. Et l'amiral Poindexter. Ces gens-là préconisent des actions ponctuelles, mais violentes, contre la Libye. Et Reagan lui-même, alors ? Il hésite. Et finit par choisir les solutions des premiers. Oui, mais c'est sanctions économiques oui, seulement. Oui, oui. Et le président penche d'autant plus de ce côté que jusqu'en 1983 au moins, les compagnies pétrolières américaines font d'excellentes affaires en Libye. Ah oui. C'est donc le lobby pétrolier qui l'emporte. Ah oui, on peut voir les choses comme ça. Mais c'est une victoire très provisoire, parce que les durs ne renoncent pas aussi facilement. Et ils ont un bon argument pour convaincre Reagan. La lutte contre le terrorisme est un excellent argument électoral. Oui, parce que le président a décidé à se représenter. C'est certain. L'élection aura lieu en novembre 84. Et il faut se préparer longtemps à l'avance. C'est pourquoi, dès le début de 83, le secrétaire d'État, George Shultz, tente un piège à Kadhafi. De quoi s'agit-il? Mais il faut pousser le lire libyen à la faute. Ouais, une faute qui justifierait une action militaire. Évidemment. Et le prétexte va être le Soudan. C'est un de ces pays à qui Kadhafi a proposé en vain le mariage. Oui, oui. Le Soudan est alors gouverné par un dirigeant très pro-occidental, le général Ghaffar Nimeri. Je ne rentre pas dans les détails, mais enfin le pays est très divisé, en particulier par des différents religieux qui se traduisent par de sanglants conflits. Et d'ailleurs, à la fin des années 80, il finira par sombrer dans un islamisme pur et dur. L'idée des Américains, qui vont agir en parfaite collaboration avec les Égyptiens, c'est de faire croire à Kadhafi qu'il existe au Soudan une cellule révolutionnaire pro-libyenne et qui demande son aide pour renverser Nimeri. Et c'est bidon? Dans une large mesure, oui. Alors Kadhafi marche? Exactement. Il doit penser que s'il vient en aide à ses révolutionnaires, il pourra enfin réaliser son rêve d'union avec le Soudan. Par conséquent, au début 1983, il envisage très sérieusement d'engager son aviation pour soutenir ses partisans soudanais. Mais le piège alors? Ben, il consiste à intercepter les bombardiers libyens et à les abattre. L'aviation américaine? Non, les Égyptiens, soutenus, il est vrai, par plusieurs avions radars américains. Ah oui, les fameux AWACS. Oui, et effectivement, quatre de ces monstres de technologie sont envoyés en Égypte. Mais leur arrivée n'est pas aussi discrète que les Américains l'auraient souhaité. En effet, à cause d'une tempête de sable, ces gros avions sont obligés de se poser sur l'aérodrome commercial du Caire. Et leur présence doit étonner, bah, bien sûr. Autre pépin, une chaîne de télévision américaine mange le morceau et annonce que ces AWACS ont pour mission d'assister la chasse égyptienne au cas où la Libye attaquerait le Soudan. Bon, la conséquence, vous devinez. Oui, Kadhafi annule l'opération. Naturellement. Et à Washington, pour masquer l'échec du piège tendu à Kadhafi, on fanfaronne. Grâce à la présence de ces AWACS, on a dissuadé le leader libyen de tenter de renverser le président Nimeri. Ce qui, au fond, n'est pas totalement faux. Sans doute. Mais ce n'était pas du tout le but recherché. L'objectif, c'était de prendre Kadhafi en flagrant délit. Ouais. Et la suite, parce que j'imagine que les durs de la Maison-Blanche ne vont pas en rester là. C'est évident. Et Kadhafi va leur donner des verges pour se faire fouetter. En 1984, je ne sais pas si vous vous en souvenez, se produit un incident très grave devant l'ambassade libyenne à Londres. Je crois me rappeler, là, des hommes postés à l'intérieur du bâtiment tirent sur des opposants qui manifestent. C'est ça. Ouais. Et une femme policier britannique est tuée. À Londres, on ne plaisante pas avec ce genre de choses, et la Grande-Bretagne rompt aussitôt ses relations diplomatiques avec la Libye. Ce qui n'empêche pas Kadhafi d'annoncer qu'il va envoyer des commandos traquer ses opposants exilés, où qu'ils soient dans le monde. Une annonce suivie des faits. Oui. Des attentats frapperont des dissidents libyens un peu partout dans le monde. Et vous l'imaginez, ça ne redore pas son blason. Ouais. Mais il est d'autant plus déterminé qu'il sait que les États-Unis ont entrepris de soutenir activement ses opposants. Ouais, au fond, comme les services français l'avaient fait quelques années plus tôt. C'est parfaitement exact. Mais encore une fois, la police de Kadhafi est bien faite. Et toujours en 1984, une tentative de coup d'État perpétrée par des exilés libyens aidés par les Américains va se traduire par un véritable désastre humain. 75 officiers seront arrêtés et fusillés, science tenante. Mais justice expéditive. Oui, hein, ça. Kadhafi déteste qu'on lui résiste ou qu'on mette en cause son leadership. Mais cette succession d'événements va forcément donner lieu à une escalade entre Reagan et celui qu'il traite de chien enragé et qui est maintenant devenu sa bête noire. Pourquoi ? À Washington, semble-t-on si désireux de s'en prendre à la Libye? Deux journalistes américains, David Martin et John Walcott, font l'analyse suivante. Une analyse qui reprend d'ailleurs partiellement les propos de M. Hicks. Il est plus difficile de s'attaquer à l'Iran avec ses 42 millions d'habitants, d'autant que Téhéran est désormais impliqué dans le processus de négociation secrète engagé pour libérer les otages, l'Iran Gate. La Syrie, elle, est à l'abri du fait de son traité d'amitié avec l'URSS. Un raid sur Damas ne déclencherait peut-être pas une guerre entre les deux superpuissances, mais refroidirait à coup sûr leurs relations. La Libye, par contre, n'a que 3 millions d'habitants. aucune négociation secrète en cours avec les États-Unis et pas davantage de traités avec l'URSS. Anatoli Dobrynin, l'ambassadeur soviétique à Washington, a même eu l'occasion de montrer que son pays prenait ses distances vis-à-vis de Tripoli. Dans une conversation privée avec Alexander Haig, alors que celui-ci était encore secrétaire d'État, il avait qualifié la Libye de problème américain. Les diplomates soviétiques ne manquent d'ailleurs jamais une occasion de qualifier le chef de la Jamaïria de fou. Si la Libye peut faire figure de petite sœur du terrorisme d'État, le danger qu'elle représente est exagérément et volontairement grossi à tel point qu'à la fin de 1985, elle semble être la menace la plus spectaculaire et la plus immédiate pour l'opinion publique américaine. Vous parliez d'escalade. Oui, une escalade qui va se produire sur plusieurs fronts. D'abord, Washington demande à tous ses ressortissants, essentiellement des hommes d'affaires, de quitter la Libye. Ah oui, ça c'est l'asphyxie économique. D'autre part, la Maison-Blanche envisage très sérieusement de susciter des frictions entre la Libye et ses voisins, l'Algérie et l'Égypte. Et si ça se terminait par un conflit armé, ce serait évidemment l'idéal. Oui, ce serait en somme un peu la répétition de l'affaire soudanaise. Enfin, toujours dans le but d'augmenter la pression sur Kadhafi, Washington décide d'organiser des manœuvres navales au large de la Libye et surtout dans le golfe de Sirte, que Kadhafi a toujours considéré comme étant sa mer intérieure. Ça, c'est de la provocation. Incontestablement. Et là encore, on espère que le leader libyen va réagir et peut-être même attaquer les bâtiments et les avions états-uniens. Pour pouvoir ensuite se livrer à des représailles. Ah, c'est forcé. Mais encore une fois, c'est Kadhafi qui va aller au-devant des espérances de la Maison-Blanche. Quoi, il va attaquer les forces américaines? Non, en commanditant des attentats terroristes, dont certains, sans doute, avec la participation du redoutable Abou Nidal. Ah, Abou Nidal, dont je... Je vous répète, vous avez promis de me parler bientôt. Oui, je le ferai, puisque je vous l'ai dit. Parlons d'un système, il y a longtemps que j'attends. Seriez pas un peu obstiné, monsieur Pénaud? Peut-être. Je sais que de nombreux auditeurs sont impatients de vous entendre à ce sujet. Je vous en prie, poursuivez. Bon, disons-le tout de suite, certains de ces attentats ne peuvent être attribués à Kadhafi. Mais ils vont créer un climat de tension tel que l'opinion, et surtout l'opinion américaine, se persuadera que le leader libyen est le diable en personne. Le diable est donc le principal maître d'œuvre du terrorisme mondial. Oui, oui. Ça commence en juin 85 par le détournement d'un Boeing de la TWA. L'avion qui transporte de nombreux passagers américains est détourné peu après son décollage d'Athènes. Il est dirigé sur Alger, puis sur Beyrouth. Cette prise d'otage va durer plus de 15 jours. Et un passager américain sera abattu. Aux États-Unis, où les chaînes de télévision ont largement couvert l'événement, l'émotion est intense. Oui, mais est-ce que Kadhafi a une responsabilité dans cette affaire? Non. Non, les preneurs d'otages sont des extrémistes chiites libanais. Enfin, peu importe. Kadhafi, je vous l'ai dit, est le large. 4 mois plus tard, nouvelle action terroriste. Des membres d'un groupuscule palestinien s'emparent d'un paquebot italien. C'est là qu'il est là-haut, c'est juste. Hein, ouais. Un des passagers, un juif américain infirme, est froidement abattu. Nouveau traumatisme pour l'opinion américaine. Vous connaissez la suite. Oui, les preneurs d'otages se rendent aux autorités égyptiennes, hein, c'est ça? Et Washington demande en vain leur extradition. Toutefois, au Caire, on a hâte de se débarrasser de ces types. Et on les expulse vers Tunis. Mais les services d'écoute américains l'apprennent. Et l'aviation US détourne leur avion vers l'Italie. Les preneurs d'otages sont inculpés par la justice italienne. Mais leur chef, Abou Abbas, réussit assez mystérieusement à prendre un avion pour la Yougoslavie. Ce qui déclenchera un véritable incident diplomatique entre Rome et Washington. Oui, et la série continue. Quelques semaines plus tard, un Boeing égyptien est détourné vers Malte par des hommes qui revendiquent leur appartenance à 4 organisations arabes. Et là encore, l'issue va être dramatique. Plusieurs otages sont liquidés. Un commando égyptien donne l'assaut. 61 personnes périront. Mais ça commence à faire beaucoup pour cette seule année 85. Et ce n'est pas fini. Fin décembre, en pleine semaine des fêtes, 2 commandos attaquent des comptoirs de la compagnie israélienne El Al, simultanément à Vienne et à Rome. Au total, il y aura 20 de morts et 10 de blessés. On soupçonne aussitôt la Libye et le groupe terroriste Abou Nidal. Et Reagan, sans attendre, met en cause Tripoli et décrète un embargo sur les échanges avec la Libye et un gel des avoirs libyens dans les banques américaines. Ouais. Vous avez dit sans attendre, quoi. C'est attendre une enquête, une revendication. Bien sûr. Ouais. Et votre avis, alors? Dans ce genre d'affaires, on n'est jamais sûr à 100%. Ce serait trop facile. Mais il est certain qu'Abou Nidal a séjourné en Libye. Et il est probable que Kadhafi a donné un coup de main dans la préparation et le financement de ces 2 attentats. En tout cas, le leader a compris qu'il était désormais sur la sellette. Et il proclame que si on l'attaque, il mettra à feu la Méditerranée et le Proche-Orient. Ah, c'est presque un aveu, hein? Ça y ressemble. Alors, est-ce que Reagan va passer à l'action? Il y est prêt, oui. Et l'opinion américaine, chauffée à blanc, est prête à le soutenir. D'autant que des Américains ont été aussi enlevés au Liban. D'ailleurs, dès l'affaire du détournement de l'avion de la TWA, la CIA a élaboré deux plans. Le premier, nom de code, Tulip, vise à renverser Kadhafi en se servant d'opposants libyens. Oui, mais on sait que jusque-là, ce genre d'opération a échoué. C'est exact. Alors en même temps, les services américains mettent au point un deuxième plan, Rose. Et là, c'est beaucoup plus sérieux. Pourquoi ? Parce que les Américains envisagent de s'impliquer directement. Enfin, militairement, je veux dire. Il est en effet prévu que l'aviation US interviendra en soutien lors d'une attaque aérienne perpétrée par l'Égypte. Mmh, l'objectif, là ? C'est le casernement où réside habituellement Kadhafi qui sera visé. Ouais, on veut donc l'assassiner. Sans nul doute. Ouais. Mais je croyais que depuis 1975 et la cascade de révélations là, sur les mauvais coups de la CIA, il était désormais interdit à la centrale de s'en prendre physiquement à des dirigeants étrangers. Vous avez tout à fait raison. Mais Reagan n'en a cure. Et lors d'une réunion entre militaires et dirigeants de la CIA, il l'a dit crûment, oui, il faut liquider Kadhafi. Et s'il le faut, il assumera personnellement la responsabilité de cet assassinat. Ah ben voilà, qui a le mérite d'être clair. Et au-delà de l'assassinat de Kadhafi, que prévoit ce plan qui porte le joli nom de Rose ? À Washington, on pense que la disparition du leader libyen provoquera un tel choc qu'il sera ensuite aisé aux opposants de renverser le régime. Mmh. Et encore échec ? Les spécialistes de la CIA estiment que là aussi, le choc psychologique produit par cette attaque encouragera les militaires libyens à se révolter, à s'emparer de Kadhafi et du pouvoir. Mais la difficulté, c'est peut-être de convaincre les parlementaires américains les plus influents de donner leur aval à cette opération destinée, en principe, à frapper le terrorisme au cœur. Des parlementaires méfiants, j'imagine. Ouais, surtout quand ils ont compris que le véritable objectif était la liquidation physique de Kadhafi. Alors la Maison-Blanche a décidé de mentir et d'agir à sa guise. Et notez-le bien, Reagan n'agira pas autrement dans l'affaire de la Grande Guette, qui sera lancée sans aucun contrôle au Parlement. Et donc illégalement. C'est la vérité. Toutefois, il restait à justifier cette attaque qui serait un acte de guerre contre un pays indépendant. Fallait trouver un habillage, si je puis dire. Et c'était d'autant plus urgent que les Américains avaient compris assez rapidement qu'il leur faudrait agir seul. C'est-à-dire sans les Égyptiens ? Oui, le président Moubarak n'a aucune envie de se lancer dans une aventure incertaine. Et les Israéliens, sollicités à leur tour, refusent de participer. Ouais, c'est un coup dur pour Washington, ça. Incontestablement, c'est un duel États-Unis-Libye qui va s'engager. Un duel forcément inégal. À la lecture des documents publiés sur cette affaire, on a vraiment l'impression que Ronald Reagan était littéralement obsédé par Kadhafi. Un seul exemple cité par le journaliste du Washington Post, Bob Woodward. En mars 1986, lors d'une réunion au sommet à la Maison-Blanche, on discute de la personnalité de Kadhafi. Je cite le célèbre journaliste. Le président s'intéressait particulièrement aux détails de sa vie privée rassemblée par la CIA. Lors d'un voyage en Espagne, à Majorque, les dirigeants libyens étaient maquillés et portaient des chaussures à talons hauts. Ses aides de camp lui avaient apporté un ours en peluche. Et apparemment, il n'avait pas confiance dans les draps de l'hôtel où il était descendu, car il envoya ses aides de camp en acheter des neufs dans différents magasins. Reagan revint à plusieurs reprises sur le thème de l'homosexualité de Kadhafi, observant à un moment « La penderie de Nancy est à la disposition de Kadhafi quand il me veut. » Et ils se voyaient eux-mêmes jouant les durs, flanquant une pâtée à Kadhafi et l'écrasant, ayant assez de cran pour l'insuffler à autrui, notamment à leurs alliés européens. Il y eut plus d'une allusion à la grenade. À un moment, Donald Reagan, le secrétaire général de la Maison-Blanche, demanda « Va-t-on utiliser des armes nucléaires ?» Et les autres sursautèrent. La réponse était non. Le chef d'état-major de la Maison-Blanche affirma qu'il avait seulement voulu s'assurer qu'on ne le ferait pas. Ça fait quand même un peu froid dans le dos, non ? J'ai extrait ces quelques lignes du livre de Woodward, « Guerre secrète ». Une nouvelle fois, comme dans l'opération sudanaise avortée, il faut donc pousser Kadhafi à la faute. Dès le mois de janvier 1986, la 6e flotte américaine croise au large de la Libye. Et des chasseurs bombardiers F-111, basés en Grande-Bretagne, procèdent à des vols d'entraînement jusqu'au-dessus de la Turquie. Mmh. Ce sont ces avions qui seront chargés de frapper la Libye, là. Oui, et la manœuvre sera assez délicate, car ils devront être ravitaillés en vol à plusieurs reprises. Les pilotes s'exercent donc à respecter les rendez-vous nocturnes avec les avions citernes. Et tout ça, ces manœuvres, ça ne doit pas échapper aux autorités libyennes. Hein. Les exercices aériens, je ne sais pas, mais la présence de la 6e flotte, c'est évident, ça ne passe pas inaperçu. Il s'agit d'une véritable armada comprenant 2 porte-avions, 45 navires et plus de 200 avions. Ben, il y a même des sous-marins atomiques d'attaque. Face à ce qui apparaît comme une incontestable menace, Kadhafi fixe une ligne de mort.

Oui, et de nouveaux plans sont préparés en ce sens. À Washington, un homme surtout veut en finir avec Kadhafi. Qui c'est, là ? Le colonel North. Ah oui, l'homme de l'Iran Gate, hein, celui qui a armé les contras nicaraguayens en vendant clandestinement des armes à l'Iran de Roménie. Lui-même, oui. Les membres du Conseil national de sécurité ne cessent de faire des propositions visant à liquider Kadhafi. Quoi, par exemple ? Le minage des ports libyens, par exemple. Ou encore un nouveau raid aérien. Et même des débarquements d'opposants et d'agents de la CIA sur les côtes libyennes. Il imagine aussi d'organiser un contact téléphonique avec un dirigeant arabe complice. Les grandes oreilles américaines repéreraient aussitôt l'endroit d'où téléphone Kadhafi. Et les avions US entreraient aussitôt en action. Mais ces initiatives sont repoussées les unes après les autres. Donc quoi, la Maison-Blanche renonce là ? Oui, si l'opinion américaine a massivement approuvé le raid contre Tripoli, n'en a pas été de même à l'étranger. À l'exception de la Grande-Bretagne, bien sûr. En outre, à cause du scandale de l'Iran Gate, les faucons de la Maison-Blanche vont peu à peu être écartés. Alors à Washington, on en revient aux méthodes classiques. C'est-à-dire ? L'action psychologique et la désinformation. Oui, soyez plus précis. Essayer de miner le régime de l'intérieur, ou faire croire à Kadhafi que les États-Unis vont unir leurs efforts pour intervenir militairement au Tchad afin d'infliger une raclée aux troupes libyennes. Ouais. Enfin, observons quand même que 20 ans plus tard, même s'il a récemment fait patte de velours, Kadhafi est toujours là. Et vous avez raison de souligner ce point. Toutefois, cette affaire a eu deux conséquences. La première, qui n'est pas la moindre, c'est que ce raid américain a contribué à radicaliser Kadhafi dans sa haine de l'Occident. Et l'implication de ses services dans les attentats contre le DC-10 du TA et le Boeing 747 de Lockerbie s'explique sans doute ainsi. Et vous avez parlé d'implication et pas de responsabilité. Oui, parce que je ne suis toujours pas certain que le commanditaire ait été Kadhafi lui-même. Oui, mais des Libyens ont été mêlés à la préparation de ces deux attentats. C'est certain. La deuxième conséquence, c'est moins connue. Pour mettre au point leur raid aérien, les Américains avaient déplacé l'un de leurs satellites géostationnaires dont les caméras étaient ordinairement braquées sur l'Europe de l'Est. Résultat, quand l'explosion de Tchernobyl se produira en avril 86, les Américains sont aveugles. Alors même que leurs observations satellitaires auraient permis de donner de précieuses informations sur la réalité de la catastrophe. Seymour Hersh, le célèbre journaliste d'investigation américain, a publié en 1988 une enquête sur le raid contre la Libye. Pour lui, il ne fait aucun doute que son objectif était l'assassinat de Kadhafi. Je le cite. Après le bombardement au soir du 14 avril, Ronald Reagan fit une déclaration télévisée sur les chaînes nationales. L'implication de la Libye dans l'attentat contre la discothèque de Berlin est directe, précise, irréfutable, déclara-t-il. Nous avons des renseignements détaillés sur d'autres attaques préparées par Kadhafi. Les bombardements, dit-il, étaient une série d'opérations contre les quartiers généraux, les bases terroristes et les infrastructures militaires, soutenant les activités subversives de Muammar Kadhafi. Nous autres Américains, ajouta le président, nous prenons du temps pour nous mettre en colère. Nous cherchons toujours des voies pacifiques avant d'utiliser notre force, et nous l'avons fait cette fois-ci aussi. Nous avons tout essayé. Des approches diplomatiques, des condamnations publiques, des sanctions économiques, des démonstrations militaires, sans résultat. Selon un responsable du Conseil national de sécurité, le texte du discours comprenait des paragraphes entre crochets utilisés par le président au cas où la mort de Kadhafi serait certaine. Leur contenu devait faire écho à l'analyse d'un juriste du département d'État. Les États-Unis ont légalement le droit de rétorsion pour éviter des attaques ultérieures.